va. L'homme à la tête de taureau dévore sa raison monochrome. Elle éclate sous une pluie étoilée, dessine sa peau en motif incertain au cœur d'une symétrie où s'élève un champ miroir. La couleur est unique, flamboyante, primaire. Au crépuscule de sa fureur, il danse sous les astres souillés, son corps tatoué au fer, au destin. La carcasse est belle, ivre de liberté, les membres, la langue déliée n'ont plus de sens. Brûle au soleil, danse, la mâchoire claque, mélange, danse, les membres, là. La mâchoire claque, mélange, danse. La mâchoire claque, mélange, déliée, n'ont plus de sens. Brûle au soleil, danse, langue déliée, n'ont plus de sens. Brûle au soleil, danse, langue déliée, n'ont plus de sens. Brûle au soleil, danse, la langue danse. D'élan brûlé, d'ange, mes liesses, membres, sol au soleil, dansant, sol, l'ange lac, sol, d'angue délié, dents brûle, membres, méla, mélac, dans, dansant, sens, brûle, danse, mélac, lac, se dangue, soleil, dangue, lance, hante, machole, danse, semant. Dans brûlir, doé, leirul, solac, kames, lire. Je mange. Remplir sombre le sang, avide. De ton sourire à l'ombre brûlant, circonstancié par nos chairs, mes vacuités en carcan laminé, je remplis et déplie selon un mouvement, une force calculée. D'un point vers toi, une tension qui m'inonde, j'abreuve mes espaces en référence détournée, découpe tes lèvres, consume ton royaume avide cannibale. La langue arrachée, brandie comme un trophée, je frappe la pierre, surgit le bruit blanc qui perce la mémoire et creuse la fosse où j'enfouis mes dents de lait. Les pierres écarlates, les éclats de voix légués en guise de marteau, les yeux crevés à la cuillère de nos aïeux. Je frappe la pierre sans commune mesure, l'écho se répand en sillon infini où germent les chimères que je désigne. Ma bouche mutilée avale le monde pour rebâtir une parole. La terre en est témoin, la langue brise la pierre où demeure l'indicible. J'ai vu le sable dans le seau des enfants. Tu me disais qu'un jour, je comprendrai la nuque tendue vers le ciel en signe d'abandon. Nous construisions nos vaisseaux de pierre. J'ai vu le sable sur nos surfaces. Tu me disais, moi, j'écoutais tes mots de quartz percuter la chair, les rires échoués sur les galets nous ramener l'un dans l'autre. J'ai vu le sable, je crois, nous relier. La ligne d'horizon était bien tracée. Nous étions debout, granitiques. les corps n'étaient pas encore érodés par nos souffles. J'ai vu sur le sable régner les colosses minérales. C'est tout ce qui comptait. Nous aurions dû commémorer les visages imbriqués dans les plis. Nous aurions dû commémorer les actes qui ont été à coups de poing. Nous étions comme agglomérés, les espaces agglomérés encore imbriqués. Dans les revers, nous étions les actes visibles qui ont été à coups de poing. Nous progressions creusés à coups de poing. Nous avions les visages imbriqués dans le tout, l'ensemble et sa distance. C'était comme agglomérer des espaces encore, des visages imbriqués. Dans les excavations, c'était commémorer des espaces, espaces encore, visages imbriqués. Dans les actes visibles qui ont été à coups de poing, nous progressions creusés à coups de poing, nous avions les excavations, le tout, l'ensemble et sa distance. C'était commémorer les actes qui ont été à coups de poing, de progression. Dans le tout, l'ensemble et sa distance. C'était comme commander. C'était comme commémorer dans les plis. À coups de poing, nous étions vivant les plis, les actes qui ont été à coups de poing. Nous voulions creuser à coups de poing. Nous progressions dans les visages imbriqués, dans les visages imbriqués, les revers. Nous étions les revers. Nous étions creusés à coups de poing. Nous avions creusé à coups de poing. Nous progressions si vivants, les visages imbriqués dans le tout, l'ensemble et sa distance. C'était commémorer les visages imbriqués dans les excavations si vivants, les plis, les excavations si vivantes, les excavations si vivants, les visages imbriqués dans les revers. Nous voulions comme agglomérer des espaces encore visibles. Nous avions le tout, l'ensemble et sa distance. C'était commémorer les revers. Nous progressions comme agglomérer des espaces encore visibles. Nous progressions creusés à coups de poing. Nous avions dans le tout, l'ensemble et sa distance. C'était comme agglomérer, commémorer. Il n'est pas question de repentance absurde. Nous le sommes à bien des égards, les poumons comprimés, pour obtenir le silence nécessaire à la bonne exécution du geste. Égorger le mouton est un art solitaire, le poignard perce aussi. On extirpe le sombre, une offrande à la foule de bras tendus, avides de boire le calice. Une corde maintient l'ensemble au coude à coude. L'idole, au bord des lèvres, solidaire dans le mouvement et l'ambition de dicter autant une conduite, l'extase de l'oubli, la mémoire bien au fond, avec ce qu'il nous reste de dignité, nos poings pour cogner la ferraille, commuer les clous en pièces de monnaie, s'offrir une existence, un sourire de circonstance, une étole pour voiler nos épaules lacérées par le poids de l'imposture. Nos fautes, ton absence, on fera l'inventaire à la pioche, nous sommes modernes. Ne pas exprimer sa musique, nous soumet à celle des autres. Laissons sa charme dans l'ouverture, un sadisme en multiplex qu'on laisse aux gens énergétiques et énergiques, une rengaine à coups de corde. Quelle que soit la force, à même le sol, le silex cisaille les pieds. C'est drôle, la pointe donne, elle offre une crevasse qui s'étend. Nous sommes là, tout au bord, on se rapproche, On veut toucher, mieux se voir, en traçant les contours en gras, les joues trouées. On voit nos dents, ça nous fait rire, la faim nous tient debout. Mange, mange le souvenir, quand on se gargarisait d'être sans brassard pour se distinguer. C'est inscrit quelque part, sur des carnets, quand on voyageait sur la route du cortex au cosmos. Mais à chaque bouchée, c'est trop nerveux, manque de cuisses, le contenu se dérobe. J'ai failli m'étouffer, c'était quoi déjà? Nous n'irons pas plus loin, dites au chef que ça nous fait rire. J'ai perdu l'appétit, fin de l'extase, j'ai mal au tympan. La fugue s'achève, à l'horizontale, sans artifice, la face incandescente, je saigne des oreilles, ça nous fait rire. Les visages sont muets, mais le goût du sang dira comme l'eau de pluie abondante sur l'écorce te dit combien l'arbre pénètre le ciel, combien la boue trace un chemin, coule et ruisselle. Sur cette terre qui t'appartient, observe celui qui approche, la voix cachée dans le poing. Il veut prendre le sexe, boire les gouttes qui encerclent ton front. Il veut prendre, enfoncer dans son ventre et jouir de ce trésor impunément. Il veut prendre l'eau de ce trésor, boire le ciel et jouir de ta boue, trésor. Les visages sont muets, mais le goût du sang dira combien nos mains fendues, plissées par l'humide, répandent une même chaleur. Nos bouches scellées de glaise, semblables à nos yeux, maquillées à outrance, carmin sur les contours, pour taire la racine, l'unique, la source des gorges serrées, puits sombres de nos pères où remplir les jarres de charbon. Les corps tombent dans un creuset de chair et de viande. Le blanc de leurs yeux se mélange à la terre piétinée. Certains rient au milieu des corps, les cheveux poussent dans leurs yeux pour se joindre à la poussière. D'autres implorent que l'on regarde leur substance se répandre sur la chair incomplète, écrasée par le soleil au zénith. Pour sceller cette union, la bête a pris leurs yeux, la bête a pris leurs ongles. Certains rient, d'autres implorent que l'on regarde le blanc de leurs yeux dans la terre. Des corps partout, des corps dans ce creuset de viande. Ils tombent, se vident de leur substance. Ils implorent que l'on regarde le blanc de leurs ongles arrachés. Certains rient, d'autres implorent que l'on regarde leur corps enseveli, incomplet, méconnaissable dans cette union. Certains rient de leurs ongles écrasés, de leurs yeux qui jonchent le sol, des corps piétinés. Certains rient de leurs cheveux souillés, certains rient, d'autres implorent, la bête a pris leurs yeux. Je ne suis qu'une ligne de plus, une ligne de plus, une distance, un point. Je ne suis qu'une ligne de plus, un point. Je ne suis qu'une distance, un chemin, un corps tendu vers un point. Je ne suis qu'une distance, un chemin, un corps tendu vers une ligne, distance, un corps tendu vers une ligne de plus, un point. Je ne suis qu'une ligne de plus, une flèche, une ligne de plus, une ligne de plus, des parallèles dans ma tête, un point. Je ne suis qu'une ligne de plus, une ligne, distance, un corps tendu vers une de plus, un chemin dans ma tête, un corps tendu vers un chemin de moi. Il ne restera que des vecteurs, des parallèles, je sais. J'avance. Je ne suis qu'une ligne de plus. Je ne suis qu'une de plus, un chemin, un point. Je ne suis qu'une ligne de plus. Un point, je ne suis qu'une distance. Un point, je ne suis qu'une distance de plus. Un faisceau sur lequel s'est lancé un chemin. Corps tendu vers une distance. Je ne suis qu'une ligne. Distance, un point. Un corps tendu vers un corps tendu vers une ligne de plus. Une ligne, distance, un chemin. Mon corps, un chemin. Des parallèles, des flèches tordues, gorgées d'envie. Un point, je ne suis qu'une ligne de plus. Avec mes rugissants, une distance. Je ne suis qu'une flèche tordue de plus. Je ne suis qu'une ligne de plus. Une distance, un corps tendu vers un corps tendu vers un chemin. Un corps tendu vers une ligne de plus. Un point, des traits à main levée, des traits de plus. Je ne suis qu'une ligne gorgée d'envie. Un corps tendu vers un chemin de moi, un chemin, un faisceau de moi vers un point. Je ne suis qu'une ligne, distance, un corps tendu vers une ligne, distance, un point. Il ne restera que des points. Je ne suis qu'une distance, un point sur lequel s'est lancé tendu vers le lointain, une ligne, distance, un chemin, des vecteurs vers mes rugissants, un corps tendu vers un point gorgé d'envie. Je ne suis qu'une distance, un point. Je ne suis qu'une de plus, une ligne, distance, un corps, une flèche tendue vers une de plus, un corps tendu vers une ligne de plus, une distance dans ma tête est parallèle, un corps tendu vers une distance, un point. Je ne suis qu'une ligne, un vecteur de plus, un chemin sur lequel s'est lancé corps tendu vers un point. Je ne suis qu'une ligne à main levée. Je ne suis qu'une ligne de plus, un faisceau vers le lointain, un point. Des coquillages sur la niche, un Yorkshire, chien de garde, d'une tirelire abandonnée, une laisse en cuir usé sur la balançoire. Les angles se répètent à l'envi sous la robe blanche aux reflets hybrides, mais toujours teintée de mélancolie. Des mots lars percutent l'instant, les étincelles frôlent les coups plissés lumineux près des jasmins maculés le long de la cuisse. On touche l'univers jusqu'au nadir dans un bruit de cuivre bien grave, du gravier, là où les cerveaux s'entassent, rayent le vernis, brisent la croûte, les doigts enflammés, fouillent la gueule béante jusqu'au cœur de la fable pour en extraire le mou et se saisir du bâton. On parle de conjuration d'une rengaine que l'on repousse loin au-delà d'une longueur de bras. L'immensité n'effraie plus, on la parcourt sans retenue, vagabonde dans les entrailles, à chercher un signe. Mais les boîtes, les valises, où brillaient encore quelques comptes, sont vides. Des lignes courbes et droites que je croise, des fleurs en fil de fer, près des plaques de plâtre, un blanc cassé. Je fixe une pierre noire, amère, éblouissant, remarquable, quel que soit le plan, mais rien ne se tient, juste une fois, en des lignes courbes et droites, aux trajectoires instables, frôle ma face, prête à s'inviter en moi, souffler l'hymne du pèlerin, une noire, suivie d'une blanche, suivie d'un silence, qui campe sur cette position sans trop y croire, s'accroche désespérément et puis repart. Un mur succède à un autre mur, rien ne se tient, même les stèles déclinent molles, déversant nos peaux mortes sur la route. Le ciel se détourne, le feu s'éteint, flocons de cendres, les corbeaux attendent. Je fixe l'obsidienne, le reste n'est que mensonge. Par la force des courants, un dévoiement du cap, une piste écartée, l'errance inacceptable. Je dérive sans explorer les rencontres fortuites aux alentours, en s'écartant des lieux, les corps iceberg, monolithes, se perdent, s'éteignent doucement, c'est irréversible. Je dérive sans le cap, doucement des corps s'écartent. Ah! L'errance sans explorer la force des lieux, une dérive sans explorer les courants, doucement, doucement aux alentours et se perdre, s'éteindre, mes rances que l'on ne tolère. Mes rencontres fortuites s'éteignent doucement, c'est irréversible. Doucement, les rances sans le cap. Doucement, les rangs que l'on ne tolère. Dérive n'a jamais été, jamais. Une rencontre fortuite, tout au plus, qu'il faut écarter, éteindre, sans explorer la force du courant, sans explorer les alentours, même occasionnellement la force monolithique, un courant irréversible, des corps aux alentours, une dérive, corps iceberg que l'on ne tolère, écarter une piste inacceptable, même fortuite, une dérive. Les volets se ferment pour contenir le harcèlement des piquets martelés jusqu'à tendre les peaux des chevaux fusillés dans l'enclos autour des chardons, les rictus violacés et les balles perdues polissent les cuirasses trempées d'écume des morceaux d'existence distraitement empilés, filtres. La lumière, je fais des moulages de ces rayons délicats sertis d'émeraudes, vagues, soliflores, soliflores verdoyant jalousement conservés sur étagères entre les albums photos. Il y a toujours une place pour moi et personne d'autre à l'intérieur pour moi. Les morceaux sans ecchymose, l'os et la carne pour les chiens de passage autour des chardons. Il y a toujours une place pour les gueules affamées, d'autres empreintes, un lien au-delà. Les vents magnétiques emportent les appels égarés sur les terrains vagues dans des caisses oblongues, un peu de sueur, de la mitraille en paillettes tout en haut, sur la crête miroir, les fronts perlés de plomb, la limaille, en semences, les versants égouts compris. Et ce, jusqu'au dernier jour, les pierres dans des bassines de fuel, encore chaud. Le rêve parfait rongé par la sueur attiré tout en haut sur la crête. Les vents magnétiques sèment la limaille sur les terrains vagues, dans les égouts décorés, strass, paillettes et des bassines comme refuge, caisse oblongue, comprise, rêve de fuel, de sueur. Encore chaude de caisse oblongue, rongée par le plomb, et ce jusqu'au dernier jour, la mitraille sur les terrains vagues, miroite, les fronts perlés de sueur, les pieds dans des caisses oblongues, rongées par le rêve parfait. Du plomb pour sceller les immeubles totems et quelques offrandes aux pieds des gardiens n'empêcheront pas les morts d'arpenter au chemin pour comptabiliser les craquelures sur les façades. Une marche de biais sur l'asphalte, le pas synchrone pour un regroupement au son vespéral des cloches annonciatrices d'une reconstruction au marteau et au burin. Le bois, ceinture, une écharpe, dans la douceur du cachemire, qu'offre nos renoncements. Pour l'instant, je lève la main, pour rien. Pas de questions, embrassons-nous simplement, loin du protocole.